Eh ben, merci pour ce brillant exposé. Il y a tellement de choses à dire, tellement c'est vraiment parfait. Je voulais revenir sur les sondages, donc des électeurs. Bon, les électeurs ont du dégoût pour la politique, mais il ne faut pas oublier quand même que ce sont ces mêmes électeurs qui ont réélu des hommes politiques qui ont été reconnus coupables par la justice. Il ne faut pas l'oublier. Je prends un ou deux exemples. Balkany à Levallois, l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, où M. Balkany et son ex-directeur général de l'office HLM prennent la fuite pendant 4-5 ans au Baléares ou je ne sais pas où, en attendant que M. Pasqua arrondisse les ongles. Et Chirac lui balance un candidat dans les pattes, il perd la mairie. 4-5 ans après, il revient, malgré les condamnations, il se représente et il est réélu. Et le candidat Chirac est obligé de partir. Jacques Mélic, dans le nord de la France. Bon, la liste serait trop longue. Donc, les électeurs, ils ont peut-être du dégoût, mais je pense qu'ils ont aussi quelques reproches. Oui, alors, pour répondre à votre question, qui est souvent posée quand on aborde ces questions de corruption, moi je relie ça, si vous voulez, au phénomène plus général de clientélisme, qui n'est pas directement la corruption, mais qui est quand même un phénomène politique considérable et qui a une forte implication territoriale. Je pourrais prendre l'exemple des Bouches-du-Rhône aussi. Vous avez eu, par exemple, alors ces affaires qui ont émaillé, disons, le dernier mandat de Jean-Noël Guérini au Conseil général des Bouches-du-Rhône, et vous avez un même Jean-Noël Guérini qui, d'ailleurs, a mis beaucoup de temps à se faire exclure du PS, ne s'est même pas fait exclure d'ailleurs puisqu'il a démissionné alors que la procédure d'exclusion était lancée, et a candidaté pour son renouvellement au Conseil général des Bouches-du-Rhône, tout simplement au nom d'un nouveau parti qu'il venait de créer et qui s'appelle Force du 13. D'ailleurs qui a été immédiatement caricaturé sur les réseaux sociaux en farce du 13, mais ça c'est une autre histoire. Et si vous voulez, le dernier grand combat politique de Jean-Noël Guérini, c'était ce qu'on appelle l'aide aux communes, dont je pourrais parler assez longuement. C'est-à-dire qu'il a, en peu d'années, quadruplé le budget consacré à ce qui est appelé l'aide aux communes. C'est-à-dire que c'est une enveloppe, en réalité, discrétionnaire, qui était utilisée par le président du Conseil général, tout simplement pour se faire des affidés, des réseaux, consolider ses amitiés politiques et faire taire ses opposants. Autrement dit, soit vous vous rangez derrière la bannière de Jean-Noël Guérini et vous aviez accès aux millions de l'aide aux communes, c'était des sommes, je ne sais plus, je crois qu'on parle de 240 millions d'euros, voire 400 millions d'euros pour la dernière enveloppe consacrée, c'est des sommes assez colossales. Et puis si vous appartenez pas tout simplement à... D'ailleurs, ça allait au-delà du clivage droite-gauche, hein, on voyait que le clivage droite-gauche n'avait plus vraiment d'existence locale très importante. Si vous simplement vous résistiez à ce rouleau compresseur du département, eh bien vous aviez rien. Et quand vous avez l'ancien directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini pendant très longtemps, Rémi Bargès, qui déclare que c'était une farce absolue et que l'argent était donné simplement sur la bonne volonté de Jean-Noël Guérini, quand vous avez d'ailleurs l'ancien vice-président du Conseil général, Jean-François Noyès, qui était aussi directeur de l'office HLM pendant très longtemps auprès de Jean-Noël Guérini, qui déclare également que c'était une gabegie d'argent public colossale, que le seul critère d'attribution, c'était les amitiés politiques et les intérêts politiques de Jean-Noël Guérini, qu'il n'y avait aucun critère d'attribution de cette aide. Autant dire que, alors là, vous n'avez pas une infraction pénale, hein, vous avez de l'argent qui est utilisé simplement pour faire exister un système de vassalité politique, du clientélisme. Et tout ceci est relié, c'est-à-dire que vous aviez, à chaque fois qu'un contrat était signé avec une collectivité du département, vous aviez les pleines pages dans la Provence, Provence récemment rachetée par l'homme d'affaires Bernard Tapie, pour le dire au passage. Vous aviez des pleines pages dans la Provence qui signalaient, alors c'était le maire local qui disait, tous les jours pendant des mois, hein, qui disait tous les bienfaits de ce grand homme d'État, de cette figure politique incontournable qu'est Jean-Noël Guérini. Donc là, vous avez une influence effectivement sur l'opinion qui va être importante, hein, ça n'a pas suffi visiblement pour sa réélection, mais vous avez une influence qui est importante. Si vous voulez, le clientélisme est d'autant plus puissant que les électeurs se déplacent moins aux urnes. au moins vous avez de gens qui vont voter, au plus vous pouvez consolider, si vous voulez, un groupe de fidèles autour d'avantages liés office HLM, marché public, l'aide aux communes, etc. Vous avez tout un système d'avantages qui peuvent être distribués discrétionnairement et qui permettent de se garantir des fidélités. Les personnes qui sont impliquées dans ce système-là, qui savent qu'ils doivent leur avantage non pas à leurs compétences, mais à une décision discrétionnaire, ont tout intérêt à faire voter autour d'eux et se mobiliser pour que un grand nombre de personnes votent en faveur de la réélection de la personne en place. Qui fut-elle condamnée éventuellement sur des affaires de corruption, les personnes gardent le même intérêt à la faire réélire, si vous voulez. Et ces systèmes-là jouent d'autant plus fort que vous avez un vote Front National important et que vous avez une abstention importante. Parce qu'en quelque sorte, c'est des votes qui s'autodisqualifient. Et il y a ceux qui n'y vont pas et il y a ceux qui protestent, mais la protestation, finalement, au deuxième tour, triomphe peu. On l'a vu avec les élections récentes. Ce qui fait que, à la fin, le système clientéliste permet parfois de l'emporter. Alors ça marche jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire que pour certaines élections locales, des mairies, etc., ça va avoir une forte influence. On peut parler de Corbeil-Essonnes, par exemple, ou d'autres communes. Ça va avoir une forte influence. Oui, je disais que Pasqua, en tant que président du Conseil général des Hauts-de-Seine, sur 36 communes, il y avait 4 ou 5 qui sont à gauche, et les autres étaient tenus d'une main de maître de cette manière-là. Oui. Et ça a marché jusqu'à ce qu'ils partent en retraite. Absolument. Vous avez des systèmes installés qui parfois ne sont pas des systèmes qui relèvent de l'illégalité, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui permettent quand même de cristalliser la situation politique et de faire réélire constamment les mêmes personnes. Ça marche jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire que quand l'élection est trop nationale ou trop globale, ou qu'il y a trop de personnes concernées ou trop de gens qui vont voter, ben votre système clientéliste, aussi puissant soit-il, ne fonctionne plus. Et là, on voit que c'est le cas, par exemple, de ce qui est arrivé au Conseil général 13. Ça n'a pas suffi. Malgré toute l'ardeur des efforts déployés, ça n'a pas suffi pour assurer la réélection. Alors, est-ce que vous avez étudié pourquoi aux États-Unis ça marche bien ? Alors, parce que finalement, l'argent est roi quand même aux États-Unis aussi. Pourquoi aux États-Unis ça marche bien ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le système de corruption apparemment a l'air moins important, c'est ça ? Est-ce que vous disiez ? Alors, aux États-Unis, la situation, c'est le pays un peu des extrêmes. J'y ai travaillé un peu à Washington, je pourrais vous en parler un moment. La corruption, parfois, prend d'autres formes. Quand vous regardez, par exemple, le lobbying qui se déploie autour de la Maison-Blanche et des institutions à Washington, c'est assez colossal et ça a des implications très, très lourdes sur l'intérêt public aussi. Quand vous avez aussi la force de ce complexe militaro-industriel, avec une part de secret, on pourrait refaire l'histoire de la CIA, mais ça a parfois un lien assez étroit avec la corruption, avec certaines grandes entreprises criminelles. Il y a des choses qui ne se passent pas du tout bien. Mais ce qu'on peut dire avec les États-Unis, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres points, hein, c'est le pays des grands écarts et des extrêmes, vous avez aussi un nombre de moyens qui sont déployés pour lutter contre la corruption qui sont colossaux. Quand vous avez la procureure en charge notamment de l'affaire Alstom, et c'est les mêmes équipes qui travaillent maintenant sur la FIFA, vous disent qu'ils disposent de 6000 personnes pour travailler sur la corruption. Je veux dire, jusqu'à récemment, la brigade spécialisée en France en matière de corruption, c'était une dizaine d'agents. Je ne suis pas sûr que les États-Unis soient un pays 600 fois plus gros que la France. Hein. Je ne crois pas. Donc les moyens sont disproportionnés, si vous voulez. Quand vous savez qu'en Italie, par exemple, ne serait-ce qu'en Italie, où les problèmes sont aussi sérieux, assez graves, vous avez une agence anticorruption qui a un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a des centaines de personnes pour travailler sur ces questions-là, bien vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être faites par des personnes spécialisées qui travaillent, qui font un travail de fond sur ces questions-là. Quand ce n'est pas le cas, tout simplement, on est obligé de dire circuler n'a rien à voir, on n'a pas de données, on n'a pas de statistiques, on ne peut même pas accéder aux statistiques. C'est-à-dire que si moi je veux savoir combien il y a chaque année d'infractions en trafic d'influence, corruption active, corruption passive, pour les différentes formes considérées, etc., je n'ai même pas accès à ces informations. Elles n'existent pas. Oui, c'était ma question. elle n'existe pas. Vous avez une centralisation de différentes données, très imparfaitement centralisées d'ailleurs, qui sont publiées par le Service central de prévention de la corruption, mais nous ne disposons même pas des données agrégées pour toutes les catégories d'infractions. C'est simplement un éventail, un aperçu. Donc avec ça, si vous voulez, puis ça serait bien de savoir les enquêtes aussi. Combien d'enquêtes ont débouché, combien d'enquêtes se sont traduites par finalement un non-lieu, combien ont été classées sans suite, où la corruption a été visée. Vous voyez, il faudrait qu'on ait ces données pour travailler. On ne les a même pas. Donc on est à un stade embryonnaire de la recherche, et c'est un peu la différence avec les États-Unis, où, comme vous l'avez vu avec des personnes comme Sutherland ou Merton, travaillent sur ces aspects-là. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est-à-dire que vous avez une vraie richesse de la littérature anglo-saxonne sur ces questions de crimes en col blanc et de corruption. Vous avez des études de cas qui ont été réalisées depuis très longtemps. Vous avez, par exemple, des chercheurs qui travaillent main dans la main avec des procureurs, des services enquêteurs, etc., et qui s'échangent des données. Moi, je ne peux pas avoir accès à ces données. En France, je n'ai aucun moyen. C'est-à-dire que si j'ai accès à un dossier judiciaire, c'est une infraction. Je commets une infraction. Mais comment voulez-vous qu'on travaille? Comment voulez-vous qu'on puisse savoir comment se passent les schémas de corruption? J'ai lu récemment un article passionnant d'une chercheuse italienne qui s'appelle Donatella Della Porta et qui établit tout simplement dans une revue de référence, c'était dans la fin des années 90, les systèmes de corruption mis en place dans les partis politiques italiens. Et elle dit, voilà, j'ai eu accès aux données du parquet de Milan, aux dossiers du parquet de Milan, notamment les opérations manipulées. Elle cite même les noms des partis sur lesquels elle a travaillé. La démocratie chrétienne, bon, c'était pas compliqué, hein, je crois, il suffisait de lire les grands titres de la presse, démocratie chrétienne et le parti socialiste de Bettino Craxi. Et elle explique comment ça se passait. Elle décrit tous les schémas, etc. Mais pour ça, elle a eu accès aux données judiciaires. Nous commettrions des infractions si on faisait le même travail. Ça n'a aucun sens. Mais rien n'est prévu pour ça. Je voulais revenir un petit peu sur la notion de lien et de conflit d'intérêts. Parce que finalement, c'est un petit peu les prémices probablement de la corruption. On a l'impression qu'en France, c'est une notion qui est un petit peu floue. Les hommes politiques, souvent, parle de conflit d'intérêts prouvé, c'est-à-dire la conséquence, mais c'est une notion qu'on doit appliquer en amont, c'est-à-dire ne pas se mettre dans une situation où il puisse y avoir un conflit d'intérêts. Je crois me rappeler que quand Bill Clinton a été élu, sa femme a dû abandonner sa profession d'avocat et a dû laisser tous les dossiers en cours. On s'est posé la question, quand Hollande a été élu, si sa dulcinée devait abandonner son activité de journalisme ou autre. Et ça rejoint un petit peu ça dans la définition. J'ai cru voir qu'il fallait qu'il y ait un gain privé pour être corrompu, entre guillemets. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'un chef d'entreprise ou une entreprise peut éventuellement bénéficier de la corruption, enfin être corrupteur pour faire bénéficier son entreprise. C'est pas quelque chose de privé. Oui, tout à fait. Le conflit d'intérêts, c'est une question majeure, effectivement, sur ce problème-là. En France, d'ailleurs, c'est une question qui a pu avancer que de manière très récente, puisque traditionnellement, on considérait que ce n'était pas du tout un problème, alors que la question est beaucoup plus avancée dans les pays anglo-saxons. Ceci dit, vous avez cité les époux Clinton, c'est des grands maîtres en matière de conflit d'intérêts, et ça continue d'ailleurs d'avoir une influence sur la campagne d'Hillary Clinton. Parce que vous savez que la fondation Clinton bénéficie de sommes colossales, venant parfois d'hommes d'affaires étrangers, notamment russes ou d'autres nationalités, et qu'elle-même, sa position au département d'État, comme ministre donc, des Affaires étrangères des États-Unis, présente parfois quelques ambiguïtés par rapport aux liens avec ces hommes d'affaires étrangers et autres. Vous voyez, ça, c'est aussi une forme de conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est l'antichambre de la corruption, effectivement. Et ils ne se limitent pas simplement à un conflit d'intérêts public-privé. Vous pouvez évidemment avoir des conflits d'intérêts public-public. Vous avez cette situation qui se présente. Alors, c'est traité judiciairement en France, dans les formes les plus extrêmes que ça peut revêtir, sous la qualification pénale de prise illégale d'intérêt. Je donne un exemple. Vous avez un maire d'une commune qui fait voter une subvention à une association qu'il préside. Son association peut être tout à fait, d'intérêt public. Une association sportive, par exemple le club de foot du village, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut avoir un intérêt public. Mais le simple fait que lui-même administre entièrement les sommes, ça peut lui procurer justement des ressources clientélistes qui suffisent en fait à faire en sorte qu'ils puissent être condamnés pour prise illégale d'intérêt. Donc on refuse cette situation-là, vous voyez ? Prise illégale d'intérêt. Oui. Et en amont, ne passe, il n'y a pas de, comment dire, juridiquement, c'est pas reconnu d'interdire de se placer dans une situation où il pourrait y avoir un conflit d'intérêt. Alors de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des règles préventives qui interviennent avec des obligations de déport. C'est en discussion dans la nouvelle loi sur la déontologie des fonctionnaires. Il y a des aspects de plus en plus importants sur ces aspects-là. On a eu une définition. On a eu un important travail qui avait été réalisé à l'époque du rapport Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, en 2011. Ça avait donné lieu à une première proposition de loi qui avait été enterrée à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Puis les choses sont réapparues. Il y a eu cette loi de, je crois que c'était en octobre 2013, où on a petit à petit, on a mis en place cette définition et on a mis en place les situations où les personnes doivent sortir des conflits d'intérêts. Il y a des déclarations de patrimoine, il y a des déclarations d'intérêts aussi pour un certain nombre de fonctionnaires et agents publics qui deviennent obligatoires. Il y a des vérifications. On a créé cette haute autorité sur la transparence de la vie politique qui est intéressante, qui aboutit aussi qui a une force de frappe un peu plus importante. Bref, on progresse sur ces aspects-là. On progresse, mais pas assez vite, insuffisamment. Il y a encore des nombreux trous dans le dispositif et il faudra aller plus loin, indéniablement. Voilà, j'ai fait une constatation. On se souvient qu'on a aboli peine de mort en 1981. On a construit monnaie commune à 2000 ou 1999. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut retirer l'argent ou abolir l'argent? Abolir l'argent, ça serait bien compliqué, mais je pense qu'il y a une différence d'ailleurs très importante entre ce qui relève, comment dire, de la poursuite d'un intérêt économique qui peut être tout à fait légitime et ce qui est de l'ordre de la cupidité, c'est-à-dire, si vous voulez, une forme de démesure dans l'enrichissement. Et la porosité entre les deux, c'est-à-dire l'incapacité que nous avons à fixer des limites à cet enrichissement, si vous voulez, dans les moyens qui vont être utilisés, notre incapacité collective, tout simplement, à assurer, comment dire, la permanence d'une frontière entre les intérêts privés et l'intérêt public, eh bien, c'est cela qui, à terme, porte en germe la destruction de la démocratie. Et c'est cela qui est au cœur, à mon avis, du problème. Mais en soi, comment dire, des intérêts économiques et l'utilisation de l'argent ou d'une monnaie ne portent pas en soi atteinte fondamentalement ou par définition à la démocratie. C'est une question, à mon avis, de limite, c'est une question de cadre, c'est une question de régulation. Quant à votre question sur la monnaie, la monnaie unique, sur finalement la construction européenne, il y a des choses intéressantes qui peuvent être tirées de ces exemples-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la prochaine étape en matière européenne, c'est d'ailleurs des discussions en cours, mais ça peut être une véritable Europe judiciaire? Est-ce que face à des crimes qui sont transnationaux par définition, par essence, on pourrait parler des trafics de drogue, des trafics de migrants, on pourrait parler des filières, ne serait-ce que des filières djihadistes, on pourrait parler de l'internationalisation des mafias, de la corruption transnationale, toutes ces matières-là, est-ce qu'elles ne doivent pas être traitées à une autre échelle que celle des États? Est-ce que, par exemple, un procureur européen compétent en matière de crimes financiers et de crimes organisés, ça pourrait pas être une bonne mesure pour essayer d'avancer sur ces questions? Vous voyez? On peut réfléchir aussi aux choses sous cet angle-là. C'est-à-dire, vous pensez, même si on retire l'argent ou abolit l'argent, comme vous voulez, corruption existera toujours? Oui, en quelque sorte, c'était un prince saoudien qui disait « La corruption est le propre de l'homme et elle existe depuis Adam et Ève. Pourquoi voulez-vous m'embêter avec ces questions-là » Oui, la corruption existera toujours. Oui, elle est en quelque sorte le propre de l'homme. Et oui, en soi, elle n'est pas forcément un problème. Je vais vous dire, la corruption existe sans doute en Norvège, mais ce n'est pas un problème. Par contre, elle existe en France, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Ukraine, en Russie, etc. Et c'est un problème. Vous voyez, donc c'est toute une question de régulation, de limite, de contre-pouvoir. Et pas tellement une question de l'enrayer ou de l'abolir.